Bonjour madame. Ah oui, vous pouvez, hein. Pardon, excusez-moi. Oui, là, c'est la star. Vous avez une pancarte avec merci beaucoup. Plein de noms dessus, malheureusement. Oui, bah oui. C'est un micro, ça là? Ouais, c'est un micro. Vous c'est une radio associative. C'est d'accord. Je suis pas BFM, c'est une radio associative. D'accord. Je précise. Non, on milite parce que du coup, là, c'est trop, à chaque fois, c'est toujours la même chose depuis des années. Et là, justement, c'est ressorti avec les États-Unis, ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est important pour nous de combattre ça parce que c'est quelque chose qui nous touche personnellement. Et c'est vrai qu'on subit beaucoup plus de contrôle que les autres. Et on voudrait que ça change. Après, on n'a pas dit que ça changerait tout de suite, mais on va se battre pour, en tout cas, et c'est pour ça qu'on fait tout ça. Je peux lire votre pancarte? Pardon? Je peux lire votre pancarte? Oui. Alors, vous voulez la lire, vous? Alors, Abou Bakari en 2004, Diadé Bouna en 2005, Fethi Taoré en 2006, Lamine Diek en 2007, Naguib Toubache en 2008, Ali Ziri en 2009, Karim Boutada en 2010, Wissam El Yamine en 2012, Aboulaye Camara en 2014, Abdelhak Gradi en 2014, Amadou Koumé en 2015, Adama Traoré en 2016, Liu Chaeho en 2017, Gaï Camara en 2018, Aboubakar Fofana en 2018, Ibrahim Ba en 2019, Mohamed Gapsi en 2020 et George Floyd en 2020 également. Donc, tout ça, c'est des personnes qui ont subi des bavures policières et qui sont morts injustement, et on va se battre pour eux pour plus jamais que ça arrive. Merci à vous. Ils l'ont muté. Les policiers, eux, qui ont fait le groupe, ils sont encore ici. Mais ils ont jeté le seul qui a dénoncé. Il n'a pas eu sa justice et nous, on ne l'aura pas. Tout à l'heure, ils vont venir peut-être nous gazer. Ils vont venir et ils vont être contents parce qu'ils attendent de nous abattre. C'est ça qu'ils veulent. Ils l'ont dit eux-mêmes. Ils vont nous laisser nous entretuer et après, ils vont nous abattre. C'est ça qu'ils veulent. À l'enregistrement des policiers de l'escorte du tribunal de Rouen. Il y a des enregistrements de leur conversation sur un groupe WhatsApp privé. C'est disponible sur Arte Radio. Bon, après, j'ai pas un bon exemple dans ma section parce que sur 10, t'as que deux blanches, le reste c'est décoloré. Donc, ouais, quand elles ont appris que j'étais métalleux, t'as compris quoi. Ça les fait fuir. Mais si je leur dis que je suis fasciste, alors là, laisse tomber. Hein. Non seulement je suis emmerdé, mais il n'y en a plus aucune qui voudra de me parler. Hein. Voilà comment la police rouennaise parle des manifestants sur son groupe WhatsApp. Les mecs, ça fait 45 minutes que j'entends des Macron, ta-ta-ta-ta-ta, boum, boum, boum. Et je regarde ta fenêtre, je me suis dit qu'en fait, ils étaient juste en bas, tu vois, de chez moi. Non, ils sont toujours sur le pont Jeanne d'Arc. C'est quand même un sacré cortège de fils de pute, quoi. Pour des retraites et des gilets jaunes, ils savent très bien faire des manifestations, mais pour les attentats et tout le reste, elle est toute fois enculée, quoi. C'est beau, la France. Et ils se font taper dessus par les collègues, au passage, comme des idiots. Ils viennent se plaindre parce qu'ils se prennent des coups. Mais alors, moi, ce qui m'étonne le plus, ce sont des pompiers qui essayent d'éteindre un feu. Et les fils de pute de la gauche de merde les en empêchent. Non, balle dans la tête en fait. Parce que t'es une merde. T'es une merde de gauche, tu mérites de mourir. Voilà. Poutine en fait, il... Allô ? Il s'appelait Shérif. Il est né le 25 août 1958, Shérif Belbé, 25 août 1958. Il a été assassiné, mort asphyxié, par des matons de la prison de Nîmes. Il a été autopsié par des légistes de Nîmes qui ont incriminé ma famille en affirmant le fait qu'il était, que le corps avait été frappé par ma famille post-mortem. Mon oncle a été asphyxié comme Adama Traoré. Je n'aurai jamais la chance de le connaître. Mais aujourd'hui, je suis là en sa mémoire. Et j'espère que tu m'entends, shérif. Et on pense fort à toi. On est là aujourd'hui pour toi. Et tous les Rouennais et tous les humains qui sont là aujourd'hui sont là pour toi. Adama, justice pour shérif. Malheureusement, il n'aura jamais le droit au procès. Mais nous espérons que le procès d'Adama fera jurisprudence. C'est tout ce qu'on espère. On espère justice pour Adama. On espère justice pour l'ensemble des victimes de violences policières. Et on espère... On espère que la justice nous entendra. Le combat d'Assa Traoré aujourd'hui est celui de tous les humains, victimes ou non. Assa Traoré est un exemple et je pense qu'aujourd'hui, on doit tous être derrière elle par rapport à son frère, à ses frères incarcérés aujourd'hui. Voilà, que justice soit faite pour toutes les victimes des violences et bavures policières et que cela cesse. 1989, 2020. Il s'appelait Shérif Belbé.